Martians Productions. Ouais, ou déjà, fou qu'on est. Kalash, 972. Yo, pas qu'à juger. De cocaïne m'a profité. Pour ton patte, même filé. Kalash, ni au fond déchargé. Yo, plus branché. Moi, son pirate, moi, son folle. Moi, son gangster, moi, son dilemme. Madame Fogg, ou déjà qu'on est. Moi, j'aime le changer. Déterminé à n'importe qui l'aide, nous c'est Will General. Qu'être aux autres, nous c'est à l'armée. Longer, you a grandi, fait le feu. Y'a donc 4 fucking croisés, mon négro nous pas jamais peur. Tout côté malais, tout le monde connaît. Zam la salle, fuck la justice. Zone sale, 4 000 noirs. 9 DI, fuck la police. Patriotique, ou la senti. Crash, m'en tiré, tout le monde courri. Mais dans les pour qui ça fait dit. Pas de manger, pas de farine. T'as pas rouge bleu, tout le monde connaît ça. M'a gagné, femme sale, tout le monde connaît ça. Général Crew, tout le monde connaît ça. Gala vous, soldats, c'est un fait là. Commandant Gato, moi c'est la Rochelle. Femme tellement sale, y'aurait laissé mon miel. Toujours la même, glam, ça, négo là. Quand on prince là, même s'il l'a fait noir. Arrêtez, minotez, mon ce mandat. Pas qu'à faire chaud, police toujours là. Prends un guette maman, déjà comme ça. Tous ces nègres d'ailleurs, pirate yo là. Pas qu'à tout isoler, 40 000 blancs. Équipement sale, c'est pour la vie. Le bail bat, même 20 ans prison pour piraterie, conspiration. Sale. On est déjà fou qu'on est. Sale. Yo, pas qu'à juger. D'un cocaïne m'a profité. Pour couteau bat, même filé. Kalash, ni pour tout décharger. Yo, plus manger. Oui. Moi son pirate, moi son folle, moi son gangster, moi son dilemme. Madame Fogg, ou déjà qu'on a jamais changé. Déterminé à n'importe qui l'aide, nous c'est Will General. Qu'être aux autres, nous c'est à l'armée. Péché, you a grandi, fait le feu. Y'a d'un 4 fois qui croise le monnaie. Pour nous pas jamais peur. La cabou, la nigne qui Batman, la bâtie ni pour bleu. Chinese, black man est creux bleu. Et qui business sale, son sale, j'ai allumé la bleue. D'un magnum, j'en ai deux, diamant, j'en ai deux, un noir, un bleu. J'allume le feu sur celui qui veut. À côté des enfants, se plotter la queue. Ils parlent, mais feront-ils mieux, feront-ils mieux, feront-ils mieux que mon équipe de feu. Des négros, je n'ai peur que de Dieu. La table aussi, je connais ma Bible. Même sans maille, pas de faille, je m'en taille à Dubaï. Traverser dans un canot à feu. Où sont ces yo, pas qu'à juger. Dans cocaïne m'a profité. Pour couteau pas de même filet. Kalash ni coffre nous décharger. Je veux manger. Moi son pirate, moi son folle. Moi son gangster, moi son dilemme. Madame Fogg ou déjà qu'on a jamais changé. Déterminé à n'importe qui l'aide. Nous c'est Will General. Qu'être aux autres nous c'est à l'armée. Manger. Yo a grandi fait le feu. Y'a d'un 4 fois qui croise mon négro. Nous pas jamais. M'a songé André. M'a bouti histoire de yon patnè. Qui sorti dans zone gros solte. Gen plan pou l'te fait traîne des mots. So André. Mes cousins tap kon yon pousse. Mes cousins y'a son si a et undercover. C'est vrai agent yon te foye. Toutes lignes tapées dans téléphone. Nous pas parler conversation. Nous c'est du fait moun y'a prendre les condamnés. Fait en prison en fédéral. Etats-Unis c'est conseillé. Ton air boule m'jette la glisse. Yo pas qu'à juger. D'un cocaïne m'a profité. Pour couteau pas même filé. Kalash ni coffre nous décharger. Yo plus manger. Moi son pirate, moi son folle. Moi son gangster, moi son dilemme. Madame Fogg ou déjà qu'on est. Moi j'aime changer. Déterminé à n'importe qui l'aide. Nous c'est Will General. Qu'être aux autres nous c'est à l'armée. Manger. Yo a grandi, fait le feu. Y'a d'un 4 fois qui croise mon négro. Nous pas jamais peur.